ça, je suis sûr de pas l'oublier. Alors en fait, officieusement, l'émission a déjà commencé. Oui, je vois. Tu sais que je suis un petit peu parti de la maison. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs émissions et des lives. Ben, j'ai pas mon émission comme toi parce que je suis un peu un outsider un peu. Ouais, moi aussi, je suis un outsider. Ouais, on est tous les deux outsiders, mais moi, j'ai pas ma propre émission. Ni ton propre flux. T'as ton propre flux? Bah oui, il est là. Oui, les entretiens de Grenoble. Là. Ah oui, le flux. Ah, j'ai ni flux ni émission. C'est pour, tu sais, outsider, c'est un mot poli pour dire loser. Ah bon? C'est ce que je dis. Ah, c'est des étiquettes, tout ça. En fait, on est des êtres humains. Des êtres vivants. On est libres. On est libres. C'est libre, libre. Je pense que c'est pas très intéressant. Bon, on va parler de choses, de liberté. On a... J'attends quand même que ça commence. Tu penses que t'es libre? Non. Bon, bah alors. On avait. Il reste 3 minutes. On avait. Alors, tous les morceaux sont là. Ok. Parce que moi, j'ai pris mon ordinateur pour voir la playlist aussi. Excellent. Comme ça, j'ai pas à te. Allez tout, voir. Tout est là dans Foubar. Foubar? Ouais, c'est mon player. Foubar. Foubar, ouais. Toi, tu vas passer un morceau de toi? Ouais, j'avais prévu, ouais. Alors moi, j'ai. En fait, j'ai. Ça, on peut en parler. J'ai envie de réserver des slots, des petites surprises au niveau de la conversation. Ouais, bien sûr. Pour comme ça, que ça paraisse plus, plus intéressant, moins forcé, plus forcé. Pas forcé. Oh là là, par exemple, je te parlais trop fort. Ouais, ça a saturé, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est de la radio amateur. C'est ce qui donne un petit peu le côté vivant. L'affaire. Ouais. Vivant. Tout est vivant, hein. Alors, Il y a des aspérités, quoi. On n'est pas sur énergie ou je ne sais quel. Mais pourtant, énergie, c'est vivant aussi. Je ne sais quel organe du pouvoir. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Énergie, c'est mort. Énergie, ils ont pas un site web comme ça, tout sombre. Avec juste de la typo verte pour égayer. Ça commence l'enregistrement. Ah ouais. 17 minutes. C'est pas 12. Pas 12 nous a rejoint. Il est 17h59 minutes. Ça va commencer. Aïe. Je suis un petit peu nerveux. Ah ouais, bah t'inquiète, y a personne sur le chat. Il y a sûrement personne qui va écouter, à part peut-être Lily. Salut Lily, si tu nous écoutes. C'est même pas sûr. Ben non, parce qu'en fait, c'est pas encore dans le flux principal. D'accord. Il faut attendre vraiment 18h. Bon, j'aurais dû relancer les gens par texto. Alors, il y a pas mal de pattes qui sont en train de se loguer, là. Ah, ça y est, alors ça commence. Ça commence. Bonjour à tous, ce sont les entretiens de Grenoble. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Hendrik Aigret. Salut Hendrik. Salut Nicolas. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir. Hendrik, on va parler un peu de toi, on va parler un peu de... d'autres sujets, donc comme je l'ai annoncé, il n'y a pas vraiment de thème, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un thème. Réussi à se mettre d'accord sur un thème, mais oui. on a pensé que c'était trop compliqué de le tenir. Voilà, et peut-être un peu pédant, mais malgré tout on pourra l'évoquer. C'est ce que je pensais faire. Voilà, au milieu de l'émission. En creux. L'évoquer en creux. Ah oui, d'accord. Un département, c'est... Ok, à la Creuse. Je vais commencer à... Je vais mettre un morceau si ça te dérange pas. C'est pas très poli, mais... J'aurais bien qu'on en parle avant. Voilà. Allez, je le mets et puis on... Merci. On en discute après. Bah, merci Nicolas. Ouais, ben de rien. Beaucoup, un peu long quand même. Ah bon? Non mais par rapport à l'antenne. L'antenne? Autant d'antennes. Ah, une heure. Non, je suis désolé, je suis... Ah oui, ça fait donc c'est pas très... un douzième du temps d'antenne. Non, non, mais il est bien, mais c'est qui cette... C'est Nami Shimada, alors artiste. Apparemment, c'est plutôt une chanteuse populaire de... Du Japon, mais des années 90 plutôt. Ouais. Et en fait, il y a ces crèmes qui a ressorti, qui a fait des remixes de ce titre Sunshower. C'est normal que ça bourdonne comme ça. Ça bourdonne ? Ouais, c'est le. C'est quoi ? C'est le. Je sais pas, c'est le. La kappa qui se décharge. Ok. C'est Soichi Terada, le producteur. J'ai vu à Grenoble. Un japonais, super. Bon, bref. T'es un DJ ? Non, il fait des. Il a une sorte de. Quand il fait ses concerts, il a une sorte de chaos oscillator. Et puis il joue dessus. Enfin, il lance des pistes, puis il joue avec. En live, c'est assez marrant. Puis il sourit tout le temps. C'est positif. C'est japonais. Alors. Oh. Un petit morceau. Qu'est-ce que tu nous as préparé alors ? Est-ce que tu as préparé cette émission ? Un petit peu, mais ouais. J'ai. C'est toujours difficile de choisir des morceaux pour comme ça un temps imparti. Ouais. Alors moi j'ai quoi ? Une émission sans thème. Ouais, puis je. Voilà, moi je me suis dit. De toute façon, on n'arrivait pas à se tenir un thème musical. Ouais. On peut le dire, c'était quoi On voulait choisir des morceaux qui n'ont pas de particularité. Voilà. Assez banals. Qui sont ni. Ouais. Voilà. Sans qualité, on avait dit, mais ouais. pour une référence. Mais ça serait peut-être un peu pour con. Une prochaine émission, on aura plus le temps. Ouais, ou jamais. Jamais. Sinon, on avait pensé à une émission mais j'avais quand même, musique et Baudrillard, mais. Bon. Musique et Baudrillard. Ouais. Ah bah j'ai un morceau de James Ferraro. Ah bah nickel. Bah ouais mais j'ai pas envie d'écouter ça tout de suite. Quel rapport avec Baudrillard ? Ouais le postmodernisme et compagnie. Ah ouais. Non mais c'est un petit peu tarabiscoté la manière dont je relis ça. Mais non moi j'avais... Baudrillard sinon non ? J'avais choisi des morceaux plutôt courts justement. Pour qu'on puisse en passer un maximum. Et j'ai délibérément... choisi de ne pas inclure des morceaux que j'aurais aimé partager avec les autres mais qui étaient un peu longs justement et j'aime pas trop les couper les morceaux. Ouais. Donc il y a deux morceaux que je voulais passer, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais là il y a des peut-être deux morceaux peut-être à la suite du même artiste de Gokhard Mozart. Et, okay. ça rejoignait un petit peu, j'en parle après. Ouais, on en parle après. Merci. On les met, puis on en parle après. Allez, Gokhard Mozart, on commence avec I'm Dope. Voilà, toujours le rough cut. I'm dope, my clothes are thick as a rope. I'm dope, kill a cop for a joke. I'm dope. I'm a misanthrope, I don't hold out hope. I'm an adult joke, yeah, I'm dope. I'm a misanthrope, I'm an isotope, yeah, I'm dope. I'm dope, I'm a neck on a rope. I'm dope, I ain't no street corner joke. I'm dope, like a big black bloke. I'm dope, I'm a dog at your throat. I don't hold out hope. Crack to smoke, yeah, I'm dope. I'm a misanthrope, they thought there ain't no hope, yeah, I'm dope. I'll end up hung from a rope, who cares, well, I sure don't, cause I'm dope. I don't hold out hope, see, man, there ain't no hope, but I'm dope. Yes, I'm dope. Please try and understand me, I'm a physical record, a man of two sides. Dark and pliable, I'm black, white and liable, black like tar. Thank you very much. I'm a man with a guitar, I'm a physical wreck. 100 mile treks, the lids and nods on bed, that I ain't finished yet. Still it's an odd song bet that I ain't finished yet. Yet. Ok. Ok, voilà. Alors, tu veux en parler ou... Oui. En fait, j'ai choisi ces morceaux parce que... Tu les as choisis pour choisi quelle raison assez rapidement. Combien de temps à peu près? Parce que c'était dans la liste VLC de ce qu'on avait écouté hier soir. Génial. Et bon, bah, objectivement, c'est pas super. Mais c'est... ça rejoignait un petit peu cette idée de musique random. Ouais. Bon... C'est peut-être pas très convaincant ce que je raconte, mais... Surtout que le thème de l'émission... Enfin, bon, bref. Il y en avait pas. Ouais. Faut bien parler de quelque chose. Mais alors, tu veux pas nous parler de Lawrence, un peu? Bah si, en fait, c'est le projet que j'aime... le plus. Le moins de lui. Ah, d'accord. Qui a fait commencer à donc t'as mis des morceaux que t'aimais pas trop, finalement. Bah en fait, ça, c'est la... J'aime bien quand même, je trouve ça très attachant. Mais c'est pas, c'est un peu... C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant d'en passer deux à la suite, parce que pour se rendre compte un petit peu de l'univers musical. Ça attache un peu plus. Mais c'est des morceaux très courts aussi, et je trouvais que ça rentrait dans le cadre d'une émission de radio. Comme ça on peut en parler plus longtemps que durent les morceaux eux-mêmes. Bon. C'est vrai. J'ai pas forcément grand chose à en dire, si ce n'est que... Bah tu vois qui c'est quand même. Bah moi oui, mais les auditeurs ouais. Peut-être pas. Ouais, c'était le leader du groupe Felt. Qui veut dire feutre. Ça veut dire feutre. Bah ouais. Enfin, ou le participe passé de Two Phil. Qui a duré une bonne dizaine d'années comme ça. Ils ont fait beaucoup de disques. Moi j'ai une compilation de Felt qui est anti-chronologique. Ouais, c'est marrant. Ah oui. Ouais. Mais c'est la plus connue. C'est sûrement la plus connue, ouais. Mais elle est pas anti-chronologique parce qu'elle commence par son morceau qu'il a fait, qui s'appelle Index. Ouais. Qui est un très beau morceau de guitare, c'est juste un accord de guitare qu'il répète pendant 3 minutes. Écoute, je vais la chercher parce que... Ouais, mais je vais devoir parler tout seul du coup. Et après Felt, il a fait ce projet qui s'appelait Denim. Il était tout seul. Et c'était déjà une sorte de... Comment... Je sais pas trop de... Alors, donc je confirme. Absolute Classic Masterpieces. A Chronological History in Reverse. Voilà. Alors, une autre chose que j'ai à dire, donc ça se termine par Index, hein, justement. Ah, voilà. Voilà. Une autre chose, c'est que ce titre Absolute Classic Masterpieces, c'est le nom d'une soirée qu'avait donné Tan, Nathan Snell, dans lequel j'avais passé des morceaux. Notre ami. Voilà, ouais. Donc, big up à Tan s'il nous écoute. Je suis pas sûr qu'il nous écoute. Bon, je sais pas. Allez, on met assez parlé, c'est quand même une émission musicale. Oui. Des entretiens et de la musique. Bah ouais. Des entretiens, c'est quand même une émission de... On parle. On parle, mais aussi on met de la musique, tu vois. Exactement. C'est les deux. Voilà. Donc, t'as le droit de mettre un morceau. Eh ben, écoute, moi, j'ai choisi Thomas Lear. Thomas Lear. Ouais. Ça commence par 03. 03. Non, je l'ai pas. 03, Thomas Lear, après. Ça commence par 03. Même autre chose, sinon... Non, je l'ai pas dans ma... Un morceau de Woodbine, alors. Woodbine, ouais, ça, je l'ai, ouais. Mais je... C'est pas SOS, ton morceau 03, là, qui est très long. Allez, je mets Woodbine, c'est parti. Merci. Nesquik. Say, let's see you next. eyes, we like the lows. They don't like yours, fuck what they know. Nesquikness, quickness, quickness, quickness. Nesquikness, quickness, quickness, quickness. Oh, I think I've kinda done it again. I think I've kinda fucked up again. Yes. Alors, bonjour à Roro. Bonjour. C'est l'anniversaire de Pat Smear. Pat Smear, le premier batteur de Nirvana. Non. Bassiste. Dernier. Pas, batteur. Batteur de Nirvana. Surtout. Mais non, il jouait dans les Germs, surtout. Germs. Je me souviens, j'étais aux États-Unis, j'avais demandé un groupe de. J'ai un très mauvais accent anglais. Je cherchais des disques de. Des germs, mais je prononçais de telle manière que le disquaire pensait que je cherchais des disques de Jams. Ah ouais? De The Jams. Ah, pas mal. C'est rigolo. Mais ça n'existe pas, The Jams. Si? C'est un groupe anglais de. Non, c'est The Jam. The Jam, pardon. T'es sûr? Ah ouais. Ok. Sinon, je voulais juste revenir sur le morceau qu'on a écouté. Ouais. Nesquik. C'est. En fait, j'ai. Comment tu qualifierais ce genre de pop? Indie, ouais. Et j'ai vraiment. Alors, soit j'aurais plein de choses à raconter, mais ça serait très très très long. Soit j'ai strictement rien à dire parce que je connais pas très bien ce groupe. L'album est pas terrible, avant, après. J'aime beaucoup ce morceau. Et je. On m'avait filé le CDR promo. Emmanuel Plan, je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Il y a peut-être des auditeurs qui savent qui c'est. Il bossait chez Labels. Il me filait des fois des CD promo. Puis il y a ce groupe Woodbine. C'est quoi Labels? C'est un label? Labels? Non, c'est un distributeur. Oula, ouais, c'était comme Universal pour les. En France pour les petits labels, quoi. Et oui, diffuseur de. Beaucoup de. Labels indie américains, Domino, qui sont anglais. Distributeur, là. Distributeur, mais moi j'ai. Je vais t'avouer quelque chose, Nicolas. Je sais déjà, c'est pas. On peut en parler par la suite. Ok. Pas de problème. Donc, moi j'aime bien ce morceau, je sais pas ce que t'en as pensé. T'as pas vraiment écouté. Si, j'ai écouté. T'as écouté. Écoute, c'est pas vraiment une. Quelque chose que. Un style de musique que j'écoute de manière régulière, mais. Oui, mais. C'est assez agréable et j'aimerais dire que. Il est très tourné, et puis il est peu très long, il est plutôt. Bien troussé, il est plutôt inventif. Ouais, inventif, avec un son un peu lo-fi comme ça, vite fait. Un peu paf qui tombe à côté, mais pas vraiment. Non, c'est, ça correspond tout à fait au genre de choses. Non, au genre de choses qui te plairaient. Donc c'est comme un. Voilà, c'est. Voilà. C'est tout est un peu. En fait, je vais dans les clous. Je vais t'avouer quelque chose. Peut-être je l'avouerai plus tard. Avoue-le plus tard. Comme ça me permet de mettre rebondir. De rebondir avec un ça m'étonne, t'es pas le 03 Thomas Lear. Mais peut-être on en parle de ça en antenne. Bah, parce que je l'ai pas trouvé dans ce que tu m'as. Moi, je vais mettre un morceau de rock. Alors, c'est une fois n'est pas coutume. J'adore le rock. Et puis, j'en parlerai après. Allez, bing. Un petit peu sur ce morceau. Ouais. Doucement. Pardon. C'était Rottweiler. Moi, ouais, j'aimais beaucoup avant que ça chante. Ah ouais. Ouais. J'aimais le pas côté du tout le chant. Ok. Merci. Pardon. Non. Bah, on est là pour dire les choses un petit peu. Ouais, un petit peu cash perso. En fait, ce morceau est intéressant parce qu'il c'est pas vraiment la musique. C'est plutôt dans quel contexte je l'ai découvert. C'est sur un label qui s'appelle Natural Sciences, qui est de Manchester, qu'un invité de l'émission, Pierre Liénard, que je salue, salut Pierre, a mentionné, qui sortent en fait plutôt. Et ils ont sorti une compil gratuite sur laquelle il y a le morceau qu'on est en train d'écouter. Donc c'est un label qui est plutôt électronique, mais qui, dans qui cette compil, quoi, inclut des morceaux. Alors il y a un morceau un peu de black metal, un morceau de voilà, je sais pas, de hardcore. Voilà, c'est tout. Donc, okay. Ça s'appelle Natural Sciences. Non mais finalement, on tient bien le thème. Le thème qui est pas vraiment celui qu'on avait énoncé, mais... On est un peu détaché des morceaux là, tu vois. Ah bah. Quelque part. Ouais, mais depuis le début, on en parle du bout des doigts, quoi. Ouais. C'est bien. Moi je trouve ça bien. Ben en fait c'est un peu le propre de des entretiens de Grenoble, mais bon. Mais après je vais... moi j'ai deux trois trucs que j'adore hein. Après, hein. Ben, tu alors pour moi c'est pas du tout antinomique hein. C'est pas parce que t'es détaché bien, que t'adores pas toi. Les morceaux. Je suis d'accord avec toi. Donc moi je vois pas le problème. Moi non plus. Bon bah alors. Et au contraire même, je dirais. Ben, j'irai pas jusque là. Tu... Attention hein. Bon. Non mais oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on écoute? Ah oui, tu l'as dit. Ben là on écoute, du coup c'est un autre titre de cette compile. Ça s'appelle Ayln Witch Rave. Alors tu sais, ça me fait penser à ce morceau de Sexual Harassment. Exercise your ass. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ça. Dans le truc un peu harangue. Ouais, ouais. Vite fait quoi, vite fait. Ouais, ouais. Je me rappelle plus très bien, mais c'était bien ça. Ouais, quoi. C'était bien, ouais. C'est New Yorkais, des trucs New Yorkais. Oui, New Yorkais, où t'as, en fait c'est une séance de gym et t'as une femme qui fait allez, 1, 2, 3, 4, on y va, on secoue le cul. Ouais, etc. Des trucs qui passeraient plus aujourd'hui. Si, pourquoi? Ouais, je te suis pas. Bref, le morceau termine dans 15 secondes. Qu'est-ce qu'on met par la suite? Eh ben écoute, moi je te propose. Robin Fox, 12. 11. Eric Strip. Eric Strip. Alors, on a le choix entre un morceau. On va jouer à pile ou face. Ouais, allez. Morceau très mellow. Sunlight. Ok, ben c'est l'autre. Trying to find it, trying to find some words to say. Trying to hide it, trying to remind me of that day. long to find you. A face unknown. But I'm not supposed to see you. I'm not supposed to care. I'm not supposed to tell you. Je dois croire que c'est vrai. Déjà, moi je te remercie de m'avoir invité. Ah. Bah, de est-ce rien, que écoute, moi, hein. J'ai une seule chose à dire, c'est que je trouvais que le chanteur de. Je sais pas si c'était Thomas Lear qui chante. Oui, alors. Mais par contre, il chante vraiment comme Mark Almond, le chanteur de Soft. C'est vrai, je suis d'accord. Oui, je dirais pas que c'est faux. Je ne dirais pas que c'est faux, voilà. Effectivement. C'était All About You de Thomas Lear. Ouais, donc c'est j'ai découvert ça cet après-midi en fait, en cherchant les morceaux, pareil. Pas trop d'affect là-dessus. Ok. Voilà. Et le label, c'est Cherry Red, ouais, Records. C'est sur une compile et je crois même qu'on a écouté un autre morceau de cette compile qui est bien. Cherry Red Records. J'ai pas écouté en entier. Alors à la radio, on se coupe pas la parole. Donc Cherry Red Records, c'est le label sur lequel est sortie cette compilation dont j'ai parlé tout à l'heure. Exact. Voilà. C'est un bon label de pop, pour les gens qui aiment la pop, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, tu penses à quelqu'un en particulier ou Andy Bolus. Ah. Non, mais s'il nous écoute, c'est pour rien, bien sûr. C'est pour rien. C'est pour rien rire, qu'il nous écoute. Pour rire. Ah, rire. Mais je sais pas si Roro non plus. Cécile, ah non, Roro, non, c'est plutôt le rock. Il est plutôt rock, Roro. Enfin, non, son classement il c'est... Il est noise. Chut, pardon. Son classement c'est jazz, rock et pop. Voilà. Alors, ceci dit, on va mettre un morceau qui n'est ni rock, ni jazz, ni pop. Je le mets direct et on en parle après. D'accord. T'es d'accord ? Bah oui, non, mais je sais plus, là, du coup... sais plus si t'as le droit de parler ou pas ? Ouais. Si. Bon, bah on écoute ton morceau. Si. Ah, y'a un blanc. Y'a un blanc ? Ouais, zéro détachement pour moi. Quoi ? Zéro détachement sur ce morceau. Et je fais un petit coucou à Ben, c'est lui en fait qui m'a filé ce morceau quand il a fait l'émission aussi. Coucou c'est Ben, pas mal. On se voit après l'émission. J'espère. C'est donc Cien, l'islandais Cien. Ok, je connais pas. Erupak Kered. Voilà. Je connais pas. Ouais, vraiment, super chouette. C'est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon track. Donc on voit qu'il y a deux univers un peu. Toi t'es plutôt rock, pop. Ouais, pop rock. Et moi plutôt musique électronique. Indie, ouais. Mais moi j'avais décidé de pas passer de d'Italo Disco. Ah, ça c'est bien. Parce bravo. Que je trouvais ça un petit peu facile parce que voilà. C'est un pas peu. Passé, c'est un peu. Ce pas que, passé de. C'est un peu le genre que tu. Donc les gens attendent qu'on passe, tu vois. Toi comme moi, peut-être moins toi. Mais moi, on me dit, ah oui. Hey, passe de l'Italo Disco. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je dis, allez vous faire enculer. Mais c'est quand même, c'est quand même le genre où tu, j'ai l'impression quand même malgré tout que tu connais le plus, que tu connais le plus profondément, pas forcément. Je sais pas, il y a moins de trucs qu'ailleurs. Quand même. C'est plus facile de mieux connaître. C'est plus facile de faire d'être spécialiste de l'Italo Disco que du hard rock. Ouais, mais parce que c'est un hard rock, c'est trop large. C'est assez large, ouais. Mais Italo Disco, c'est assez large aussi, puisque c'est moins il y a large. Des choses très différentes qu'on met dans ce même terme. C'est vrai. Des choses comme The Cure, comme... The Cure, c'est l'Italo Disco ? Ouais. Je comprends pas, c'est mais... C'est un morceau. Qui passe dans un mix italo disco un peu large quoi. Ouais, en fait ça enchaîne sur des fois sur mon algorithme YouTube enchaîne des fois sur ouais, sur bon. Des mix qui commencent par des morceaux de The Cure. Mm-hmm. Et tu penses que c'est pertinent? Ouais, c'est les 80s quoi, c'est souvent les gens se disent les 80s c'est un peu ouais d'accord ok, c'est les gens qu'on ni foi ni loi qui qu'à faire la fête ou c'est YouTube se détruire. L'algorithme YouTube se dit ça quoi. Se détruire, les gens pensent qu'à se détruire ouais. Et... ou faire la fête. Ouais. Faire la fête, avec la musique vieillotte. Enfin de ces années là quoi. Le comment dire le l'hédonisme, c'est le nihilisme, c'est pareil. Aujourd'hui, nos jours. On est sur les entretiens de Grenoble, donc je remercie Hendrik d'être venu et de. Merci à toi Nicolas. De nous donner cette profondeur d'analyse sur la musique, mais pas seulement, sur le plein d'autres trucs. La musique en tant que phénomène social, vecteur objectivé, vecteur social, ouais, bref, vecteur social, ah ouais. Quelque chose qui envoie les gens vers les gens, un vecteur. Bref, qu'est-ce que tu veux mettre comme morceau? Bien, un petit morceau de. En fait, j'ai envie de faire mon auto-promo. Ouais, hein. Bah écoute, c'est parce c'est que possible j'ai un ici. Un album qui sort en juin. Rentrée. Excellent. Sur Nasha's Phone. D'ailleurs, Big up, Hicham. Si tu nous écoutes, on te salue très fort. Comment on salue fort? Je sais pas. Ouais. Je veux, il est en Égypte, c'est pas évident. Ah ouais, pour c'est les pas gens évident qui de saluer fort. Je sais pas. Il est. Ah oui, ouais, ça y est, il est je l'ai plus trouvé. Vieux que moi. Ton morceau, le morceau est plus vieux que toi. Ah oui, pardon. Mais il est plus, il a plus de connaissances en ingénieur. En civil. Et moi, j'ai fait ce morceau, génie civil. Pas pour son album. C'est un autre disque qui sortira probablement jamais parce que j'en ai deux de prévus. Excellent. Sur l'autre, c'est sur Bruit Direct, ça sera l'année prochaine. Oh yo yo yo, 2021, quel promo incroyable. Il y aura pas ce morceau, mais j'aime bien ce morceau. Voilà, on peut l'écouter. Génial. s'appelle Helico Sangue. Sang 2. C'est un morceau. Ah non, 2. Ouais, 2. C'est un morceau. Ce morceau. C'est jazz, un peu hein, tu inclassable. Disais. C'est vrai qu'il est. Il est... Par rapport à d'autres morceaux de toi, il est quand même assez facile à écouter et presque agréable. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, assez jazz, ouais. Assez relax. Voilà. Ça fait un peu sonra, tu vois, dans le... Bah oui, mais j'ai très quand cool. même... Moi, j'ai enfin j'ai un petit peu bourlingué déjà. Ouais. Et j'ai quand même participé à des performances, Oh. Autour de, le, de l'image, de la... Mm-hmm. Du commandé de... Le, du, de la Stunra. Ouais. Donc ça, là, c'est vraiment... De la, la... Ça t'a vraiment influencé, quoi, pour ce... Bah, cet moi, esprit, quoi, l'esprit. Moi, j'ai beaucoup écouté Stunra, mais... Dans le... L'idée, j'adore, quoi. T'adores et t'adhères. Donc c'est un hommage, beaucoup. Quoi, un petit peu. D'ailleurs, il y a ce film qui était très beau, qui s'appelait Joyful Noise. On le voit devant la Maison Blanche, et puis il dit, pourquoi il n'y a pas de Maison Noire ? Je raccourcis assez rapidement, mais il est. Tu raccourcis c'est un beau film. Voilà, mais je ne suis pas du tout influencé par Sonora, j'écoute pas assez. Mais l'idée, oui, l'idée. Quelle idée ? L'idée de, du free jazz, moi ça me plaît. Ouais. Ben, c'est. Je suis pas quelqu'un, moi ça me. Ça ne me. Ben, surtout ça ne me convient, ça ne me convient guère, le jazz. Bon, le free jazz de Sonra, il... bon, c'est aussi... Enfin, bon, bref. Ah, ça vrille. C'est hein. assez particulier. Ouais, ça vrille, ouais. Ouais. D'ailleurs, bon. Tu savais que les termites du... dans le bois, on appelait ça des vrillettes aussi. Ah, je ne savais pas. Voilà. Tu vois, quand t'as des moi, trous... J'ai vu, on avait vu quelque chose avec une amie à l'époque, des termites vrillées, mais réellement très, très, très fortement une table. Ouais. Et vraiment, il y avait des espèces de canaux, de réseaux 3D. Ah oui, c'était fou. C'était comme c'était irréel. Ouais. Des bandes comme ça, des bandes qui tenaient, des bandes de bois comme ça qui se détachaient de la table. C'est assez impossible à raconter. Non, mais moi j'imagine très bien et je pense que des gens qui vivent dans des vieux apparts avec du parquet peuvent non, comprendre. Mais c'est très bizarre. La nature est folle. Révèle parfois des surprises. Alors moi, on va mettre un morceau de Mulan Serico qui est sorti nulle part. Mais... Donc voilà. Il sortira peut-être sur premier son. Ouais. Merci, ça s'appelle Les Dragons. Je n'ai pas d'autre ambition c'est mon caleçon. C'est bien sûr faux car sinon je chanterai pas cette chanson. Un morceau assez osé. C'est bon alors, tu le sors sur Premier Sang ? Non. Ah. Bon ben l'émission est terminée. Ciao. Merci d'être venu. Il reste quand même. Et puis voilà. On se revoit la prochaine fois, Hendrik. Ben. Non mais sur une compile. À plus. Sur une compile. Ah, c'est bon, t'enfonces pas. C'est encore pire. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que l'entretien va continuer après le 19h sur le flux les entretiens de Grenoble. Voilà. Donc, ce sera pas sur le flux antivirus là en haut là, le blanc. Pinode, pardon, c'est plus antivirus. Si c'est antivirus encore, on sait plus. C'est un petit peu concurrentiel pour ce qui suit. Mais non, c'est pas concurrentiel, c'est multiplicatif. Voilà. De toute façon, il y a plein de flux, c'est hyper concurrentiel comme principe. Mais non, c'est la multiplicité, tu comprends rien. Ok. C'est comme plein de supérettes dans le même. C'est les Starbucks dans autour non, de. Non, c'est comme Archizoom, là, c'est pareil, tu vois. Archizoom ? Ouais, voilà, ouais. Tu viens de faire un salut. Un salut Archizoom. Salut Zoomy. C'est l'étendue infinie, tu vois. Moi j'aime pas trop ça, moi ça me fait peur. Hein. Moi je suis très old school, je suis entre 3-4 potes, on se serre les coudes ouais. Et on se voit en vrai, moi je préfère ça. Désolé. Ok. Alors il reste 5 minutes. 5 minutes. On peut mettre ton morceau, discuter. Bah, moi je propose de. 5 minutes pour le. En fait, moi j'avais très envie de passer une. Ça me faisait très à cœur, tenez. Le morceau que je t'ai envoyé après, qui n'était pas dans le. En fait, ça s'appelle SOS. SOS. Voilà, et c'est une. J'introduis un peu. Non, parce qu'il dure. Enfin, si tu veux, ou alors tu dis au revoir. Ouais, mais en fait, comme il ensuite, dit. Ensuite, t'introduis. On dit pas au revoir, parce que. Enfin, on dit au revoir pour les au revoir gens pour qui ont décidé de pas nous suivre dans l'aventure. Voilà, ouais. Parce que moi, je pense qu'elle est jolie cette aventure, quoi. Et c'est dommage pour ceux qui veulent pas, mais c'est une reprise de ABBA par The Faith Healers, qui est un groupe anglais qui est un peu alcoolique. Un groupe anglais alcoolique ? Okay, ça peut arriver parfois. Un groupe chrétien ? C'était des branleurs. Les branleurs chrétiens. Ils ont sorti 2-3 disques, c'est pareil, moi je connais depuis à peine 2 heures. C'est grâce à Jean-Charles et son cousin que je connais ce groupe. Sinon, il a été tombé dans l'oubli infini aussi. Ouais. Si je pense si Étienne Blanchot, il dirait ouais, faire jouer The Faith Healers sur la, tu sais, sur la pelouse. De la salle Piel. Oui, voilà. Ok, allez, on écoute. We'll be right back. Ouais, en fait, il y a un autre. C'est une pile session. Ah. Il y a un autre truc après. Ah, je sais. En fait, c'est, je pense que c'est le dernier morceau du. L'avant-dernier morceau du CD. Le dernier morceau du CD, il y a une bonus track. Le Ghost Track. Ghost Track. À quel moment Ghost Track. On attend ou. On peut parler en attendant, puis ça peut être la ouais, surprise. Ouais, mais parler, c'est attendre. Est-ce que j'avance sur le. Bah, c'est ce que t'es en train de faire, tu. T'attends même pas. La validation. C'est un humour un peu lourdingue des années 90, comme pouvait faire Teenage Laurence de Felt. Ah ouais. Sauf faire qu'il est beaucoup plus. Non, mais comme faisait Win. Win, ils ont pas arrêté de faire des blagues. Moi, je dois dire que je suis en fait, je me suis rendu compte récemment, je suis très influencé par Win, le groupe Win. Ta façon d'être. Dans ma musique. Dans ma musique. Ta façon de te nourrir. Dans ma musique. Ouais. Tu n'es pas obligé d'écouter ça jusqu'à la fin. Non mais tu crois, c'est pas une blague, c'est un hommage. Pourquoi ce serait forcément ironique, tu vois. Ah, tu le sens. Tous les Anglais, ils étaient. Non mais autant le. Autant le. La reprise de la balle est très habitée. Bah là, c'est une reprise à l'identique, c'est normal, ça se fait. Hein. Mmh. Tu connais l'original ? Je sais pas, ça doit être. Je sais pas comment, je sais pas comment, qui, Reeves, ouais. Machin Reeves. Comment, John Wayne ? Non. Steve Lacy. Jim Reeves, voilà, ou. Emmerich, pas Emmerich, Romaric. Hendrick. Romaric, aide-nous. Bon, j'en sais rien, moi. Mais je pense pas que ce soit si. Alors, moi, je dois t'avouer quelque chose, Nicolas. C'est la troisième chose que je t'avoue ce soir, je crois. Je n'ai rien à branler de la country. Ah bon? Ça me gonfle. Par exemple, Nathan, lui, il avait un groupe de reprises de country. Ah, tu vois, c'est toujours pareil. C'est pire que le hip-hop. Mais c'est pas fait pour changer. Mais en plus, c'est des morceaux à un instant donné. La country elle-même, elle a évolué. C'est comme la dark ambient. Non, mais la country, elle a évolué, en fait. Il y a la country des années 90. Maintenant, il y a de la nouvelle country, qui est un peu une country bizarre, qui mélange de la trap. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Ils essayent de capturer, de s'ouvrir à une autre audience. Ah bah ouais, il y a une grande, une ouverture. Un audimat jeune en mettant un peu de trap dans la country. Tu demanderas à Nate Davis, c'est un gros fan de ça. Enfin, il suit ce phénomène de très près. Bah voilà. Oui, bah là au moins je sortirais pas complètement dénué de. Enfin. Je serais moins bête en sortant de cette version. Après, c'est normal que tu peux n'en avoir rien à carrer. Oh, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Allez, on se met un titre des familles qui va nous faire plaisir. C'est parti. C'est bon ça. Merci. Ils reprennent après, non, le refrain. Alors moi j'ai une... Je suis très intrigué par ce groupe Blue Oyster Cult. J'adore ce morceau qui vient de passer, qui est encore en train de passer. Ouais. Et sinon... Ah mais l'émission continue de passer sur le flux principal. Ah. On dirait. Pour info. Pour info, pour les gens que ça intéresse. J'ai, yes. J'ai on a perdu 5 membres. T'as monté mon... Ouais. Non. Bon. Je... Moi, je suis très... Il y a tout un chant comme ça que je qualifie de groupe qui m'intrigue. Comme Cheap Trick ou Blue Oyster Cult. C'est-à-dire, je peux vraiment piocher un morceau, mais pas beaucoup plus. Cheap Trick, c'est horrible. C'est la reprise de Summertime Blues, c'est ça qui est connu. Ce groupe est connu pour ça, non? Ah non, c'est, je confonds avec Blue Cheer, pardon. Blue Cheer, j'adore. Ouais. Mais je Cheap connais Trick, qu'un album. Je connais pas. Qui connaît? Est-ce que tu peux demander aux auditeurs par chat qui connaît un album de Blue Cheer qui n'est pas l'album le plus connu? Qui connaît un album de Blue Cheer qui n'est pas l'album le plus connu? Mais Cheap Trick, moi j'ai un 45 tours de. C'est affreux, hein. D'un truc de Steve Albini où c'est une parodie d'une pochette de Cheap Trick. Bah c'est une reprise. C'est une reprise de. Is a War. Voilà. Moi j'aimais beaucoup ce morceau. Là on aurait pu le passer. C'est vrai, on aurait pu passer tellement de morceaux. Qui n'est pas. Alors l'album. Moi j'ai envie de te proposer qu'on passe un morceau que j'ai sélectionné. Et j'aimerais bien même qu'on enchaîne deux morceaux que j'ai sélectionnés. Pas des morceaux très longs. Qui connaît un album de Blue Cheer qui n'est pas l'album avec la reprise de Summertime Blues? Qu'est-ce qu'on gagne? Une sortie sur Premier Sang. Ouais, si on m'aide. Moi j'ai un morceau de rap, sinon mais. Ah, pas tout de suite. Donc c'est quoi? Ou ton alors... morceau? Robin Fox? On va laisser. Non, on va laisser. La surprise aux auditeurs, c'est Abba, I do. On laisse la surprise. you to blow your brains out. No! Blow your brains out! Blow your... Nicolas, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui te plaît dans ce son. C'est très rugueux. On peut dire que c'est rugueux. C'est le truc le plus malsain que, entre guillemets, que j'ai écouté quand j'étais jeune, quoi. Okay. Quand j'avais 15 ans. Moi, le truc mon frère m'a fait écouter pas mal de hardcore. Mais c'était plutôt des trucs. Tu vois, hardcore de seconde vague avec un message plutôt positif. Et là, Neglect, c'était un peu plus en bas, quoi. Insidieux. Pas insidieux, mais avec un message négatif. Déjà, le nom du groupe Neglect est négatif. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, négligé. Négligé. Négligé, c'est un petit peu. C'est pas très négatif, c'est un petit peu. Bah, c'est pas foncièrement négatif, négligé, c'est dehors de l'oubli. Ouais. De l'oubli inconscient. Conscient ou pas, hein. Mais enfin, je pense que c'était, tu vois, c'est possible que les mecs de Neglect soient des soutiens de Trump maintenant, par exemple. Ouais, ça m'étonnerait pas. Voilà. Alors que je pense que, bon. Moi, j'ai jamais trop versé dans le... hardcore en tant que genre musical. Le truc le plus malsain que j'ai pensé écouter quand j'avais. La noise, il y a des trucs quand même, les trucs SM, machin. J'écoutais pas de noise quand j'étais ado. Ok. Et c'était Marilyn Manson. Ouais, bah quand même, Antichrist et tout, Jesus Christ Superstar. Non mais c'est pas pareil, t'as raison. Non mais donc, voilà. Maintenant il fait. Mais pour te dire, moi il a fait la voix dans un album de Master Wazoo. Je peux te raconter l'anecdote. j'ai gagné un CD de Marilyn Manson sur Fun Radio. En appelant ? En appelant. Et je suis passé à l'antenne. Waouh ! Sur Wii FM en fait, maintenant que tu. Ah oui. Et je suis passé, j'habitais à Belleville à l'époque et en fait il me demandait comment je m'appelais. Et ouais, t'as su répondre. Et tout, je dis à Belleville et ouais, c'est bien Belleville. Je dis ouais, ça change. Ça change de quoi ça. Je dis c'est en train de changer. Ah ouais, déjà ouais. À 15 ans. Ouais, 16, 17. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah, en fait, qu'il y avait beaucoup de. Construction. Nouvelles. Enfin, il y avait des. Travaux. Du BTP. Et quand j'ai un projet urbain. Ils me l'ont même pas. Figure-toi qu'ils me l'ont même pas envoyé. J'ai dû aller le chercher dans les locaux de Wii FM. Bah, c'est sympa ça. C'était c'est où? Sympa. Je sais plus. C'était vers Bonne Nouvelle. Ah bon? Ah ouais. Et peut-être pas non. Vers là où se trouve la Gaîté Lyrique peut-être. Pour les gens qui sont à Paris, qui nous écoutent. Pour les gens qui nous vont. Et en fait, ça m'a un peu saoulé, Marilyn Manson. J'ai échangé avec une métalleuse qui avait un CD de Pavement. J'ai échangé Marilyn Manson. Bon, là, c'est quand même significatif de. Ça en dit très très très long. Ouais, ça c'est un exemple. C'est paradigmatique. Je sais pas si on pourrait dire ça. Après, voilà. J'aime bien Negative Approach. C'est négatif, Negative Approach. Ouais, mais il y a une force de vitalité quand même. Dans... Ouais, tu vois. Bah, le hardcore, c'est toujours été ça. C'est toujours été. Ouais, mais c'était pas yin négatif. Yin et yang, quoi. C'est yin et yang. Ouais, quand même. Bon, je sais pas. Non, je crois pas. Je sais pas, les groupes comme Black Metal, moi je. Oui, bon, Black Metal c'est une blague. Moi je dis ça blague metal, mais bon. Ah, c'est pas mal. Le hardcore c'est des trucs positifs, c'est des messages positifs quand même. Dans le hardcore que je connais moi après, bon. Mais quand même, des groupes comme Sick of It All, même. Je les ai vus en concert Sick of It All. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as de la chance quand même. Bah, j'ai pas du tout aimé. Bah, j'imagine. Mais quoi, récemment? Ah non, j'ai vu Madball. Ah ouais, Madball c'est moins bien quand même. J'ai vu les deux, peut-être. Non mais j'en ai vu au moins un des deux. Madball c'est plus chiant. Sick of It All c'est vraiment... ça emporte quoi. Ok. J'écoute ça encore maintenant, je suis convaincu. Non mais c'est des structures trop... De balisées, morceaux quoi, tu vois, Structure de morceaux. Ouais. Ouais mais il y a l'énergie. Ouais. Bon, c'est bref, des trucs, façon, c'est des productions. C'est des trucs d'ado, hein. De toute façon, tu. Moi, je. Tu choisis pas vraiment ce que t'écoutes, et puis en fait, ça. Tu gardes toujours une forme de. Ça t'imprègne. Quoi ? Moi, j'ai envie de te proposer d'écouter un autre morceau de ABBA. Allez. Fais un effort. Bah. T'as pas autre chose ? Franchement, I do. Non, mais l'autre, c'est un tube. Je comprends pas, en fait, c'est une blague. Il est vachement bien. Mais il est un peu poète, je trouve ça mignon. C'est une sorte de. Tu découvres ABBA, en fait. Mais non, mais ABBA, moi j'ai tout écouté. Et franchement, il y a 70% de déchets. Je suis bien d'accord, peut-être plus, non? Oui, peut-être plus, enfin. Il y a un documentaire sur ABBA, sur Arte. Have some. Sceptique. Non, non, sur I do, j'aime pas ce morceau, mais, ouais, mais j'aime beaucoup Abba. Tu peux le réécouter. Non, mais je l'ai réécouté. Non, mais il y a vraiment des merdes hein, de Abba. Oui. Ils ont fait moi, j'adore ce morceau, par exemple. Mais bon, tu vas pas le trouver bien. Mais pourquoi c'est aussi peu fort ? Il y a un truc que je trouve intéressant chez ABBA, c'est le côté groupe qui divorce. Ouais, ah, c'est pas le groupe qui divorce. Entre eux, ils divorcent. Entre eux. Il n'y a qu'un couple hein, qui divorce. Et ça me fait vraiment forcément penser à Fleetwood Mac. Et ouais. C'est des groupes, c'est un peu comme Paul McCartney et Jeff Koons, tu vois. C'est les deux faces d'une même pièce. Comme quand Claude Lévi-Strauss parle de Chateaubriand et d'un autre, je l'ai noté. Je me laisse retrouver mon carnet. Non, mais c'est des duels. Ouais, enfin là, c'est genre, il y a quatre membres hein, dans le groupe. J'ai jamais dit que Jeff Koons et Paul McCartney sortaient ensemble. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant cette implosion. C'est presque conceptuel, quoi. T'imagines un groupe qui parle que d'histoire de couple. Et puis ils parlent que de ça, les groupes de pop, ils parlent que de relations. Ils parlent pas de péage autoroute. Non, ça c'est les groupes de punk. Oui, bah les groupes de pop, ils tirent la matière de leurs chansons, de leur vie. Voilà, et eux, c'est n'importe quoi. Ils c'est pas n'importe quoi. Non, mais c'est les numéro 1 mondiaux. Ils gagnent des millions de à l'époque de couronne. Et ils sont en pleine implosion. Et sur scène, comme on le voit, là, les auditeurs le voient pas. Là, ils ont déjà divorcé. Mais ils sont obligés d'être soudés. ils sont soudés parce que c'est quand même des amis et puis c'est leur métier. Je sais pas si t'as déjà fait un groupe avec ta meuf. Moi je l'ai pas fait. Ils sont des amis et des pros, j'ai jamais fait de groupe avec ma meuf. Bah je te le souhaite pas. Pas ce que tu veux dire en fait. Je veux dire que c'est très romantique. La pop c'est romantique. Bah, c'est ce truc. C'est un truc très cynique aussi. C'est à la fois romantique et cynique. Si tu veux, c'est cynique. Mais c'est le business, hein. Le business, c'est cynique. Le business, merci, ouais. Mais moi je trouve ça plus cruel encore chez Fleetwood Mac, tu vois. Parce qu'il y a deux couples. Il y a quand même Lindsey Buckingham et Nicky Jones. Je sais plus son, j'ai plus de mémoire. Et il y a Mick Fleetwood et Christy Fleetwood. Et essaie de m'aider plutôt que de dire n'importe quoi. Oui, pardon, excellent. Donc il y a deux couples en jeu. Voilà, donc c'est encore plus cruel que chez ABBA où finalement il n'y a qu'un seul couple qui se sépare, quoi. Puis en plus c'est européen, alors je sais pas. Je trouve que c'est plus cruel chez Fleetwood Mac, mais bon. Mais j'entends bien. C'est toi qui Mais oui, mais tu connais, tout le monde connaît l'histoire de Fleetwood Mac et de ABBA. Ouais, plus ou moins, de loin. De loin. Et c'est pour ça que des petits reportages sur Arte sont bien salutaires. Pour se rafraîchir la mémoire. Ouais. Et j'aimerais bien voir un reportage sur Fleetwood Mac. Ouais, je pense qu'il y en a. Hein. Stevie Nicks, voilà, c'est ça. Moi, c'est Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Moi je l'ai raconté cette anecdote. Mais en fait, il y a quelques années, 3 ans on va dire, 2-3 ans, j'ai fait une énorme dépression. C'est parce que t'as dit Macha Merrill que tu commences à parler de ça, c'est ça? C'est pas les Non, c'est à cause de Scooter. Ici. C'est pas Scooter, c'est André Visior. Ah, ça ressemblait. Mais bon. C'est les entretiens, donc c'est une discussion. Hein. Si tu commences à faire des monologues, ça... Ouais, ça va. Là, je... c'est fini. Je te taquine. Mais je croyais que c'était Scooter. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Allez, on écoute ça. Des entretiens de Grenoble avec Hendrik Aigret. Merci. Émission. Conakry, mardi 14h55, 30 degrés, chaud. Brazzaville. I speak, don't have to say. Everything's good, everything's in place. And in the evening when you've gone, this feeling it still lingers on. And the sun is warm behind the window. The day is ready for us now. Let's go out, let's take a train, squeeze some minutes from every hour. Let's go out, let's take a train, see the sky as big as the day. Little children see heaven in the clouds again. C'est chanté un presque faux, mais pas faux en fait. Ça va, il chante bien. Il chante bien, ouais. Oui, mais il est un peu... Ouais, mais il y a un truc un peu goguenard. Goguenard. Alors goguenard. Ça, figure-toi qu'il me l'a sorti un jour. Mm. J'ai jamais trop compris, mais du coup, je ressors maintenant. Bah, c'est bien. Et pour moi, c'est proche de roublard. Bah non, pas du tout. Et c'est pas ça. Eh non. Goguenard, c'est un peu... Bah, c'est... Le mec, il fume des pets un peu, non? Non, mais c'est un peu arrogant, mais un peu... Soudoyant. Arrogant, mais pas vraiment, parce qu'il est, il est pas assez, c'est pas assez énergique pour être arrogant. Bah, c'est roublard. C'est un peu. Ben non, roublard, c'est vraiment, t'as l'intention de mal faire. Goguenard, c'est juste une sorte d'attitude un peu creuse. Ouais. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Bah, écoute, tu vas voir sur les sites, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, puis tu poses la question. Donc ça, on a écouté The Loft. Donc The Loft, c'est une compilation. Sur la même compile que le morceau qu'on a écouté tout à l'heure de Thomas Lear. Non, pas du tout. Si. Non, parce que ah c'est non, une... c'est pas la même. Non, c'est une compilation de Creation Records. Ouais. Creation Records, mais c'est une compilation. Ouais, bon, d'accord. Creation Records, Manchester. Les Bourradlais. Oasis. Oasis, moi j'ai toujours trouvé que c'était un très très mauvais groupe. Stone Roses. Stone Roses, c'est pas sur Creation. 808 State. C'est sur Off-Trade, non 808 State. 808 State, c'est sur... New Order. quoi d'autre? Les garçons bouchers. Les garçons bouchers. Butcher. Butcher Gassons. Ah mais là on écoute Cocteau Twins. Ah, mais c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ça, je le connais mal, ce morceau. Et il est mal connu, ouais, effectivement. Il est très beau. Je viens te remercier, sans vouloir te lécher le cul. Ah, j'aimerais bien qu'on écoute un truc un petit peu rentre dedans là. Dynamiser pour un peu réveiller les gens quoi. Yes, j'ai peut-être un... Ah oui, j'ai peut-être un petit morceau. Ouais, un truc un petit peu foudroyant, tu vois, genre. Foudroyant ? Ouais, allez. Genre les what the fuck quoi. Ça vient après alors. Qu'est-ce que ça va être ? J'ai dit aux auditeurs tout doux, tout gentiment, mais préparez-vous au pire là. Ça sera forcément. C'est juste. Coucher les enfants. Déplacer les meubles. Les cotons-tiges sont interdits en France, non ? Pardon ? Ah, tu as coupé mon micro ? Mais je m'entends plus. Ouais, parce que c'est moins fort. La, c'est la musique tout qui prime. Simplement. Qu'est-ce qu'on écoute ? Je vais pas parler un peu en fait. Boris Barksdale, Soft Ride. Si quelqu'un peut dire. Ça déménage. Si quelqu'un peut dire à Hendrik de regarder le dictionnaire des fois, ce serait pas mal. Si vous, vous pouvez m'envoyer des pages du dictionnaire. Voilà. Ce serait cool pour certains mots. C'est bientôt la fin de l'émission. Pour de vrai, la façon étendue. Merci pour le commentaire de Madame. Roublard c'est vicieux, Goguenard c'est couillon, même si Hendrik le contredit, s'oppose. Ouais. Voilà. Et ça donne quand même des pistes de compréhension. Mais j'espère que moi, les gens qui nous écoutent réfléchiront un petit peu plus à ce qui se passe autour d'eux. Mm-hmm. Ouais, bien sûr. Sans condescendance. Ni. C'est surtout toi qui dois réfléchir un peu à ce que tu penses, tu vois. Te remettre un peu en question, quoi. Mais je suis jeune encore. Bah écoute, ça fait longtemps que t'es jeune. Enfin, ça fait longtemps que tu l'es plus. Ouais, bah Forever Young, ça dit quelque chose. Alphaville. Alphaville. Et il y a une reprise un peu trans qui est assez mauvaise. Ok. De je sais plus quel groupe. Janis Joplin. Non. on va mettre un titre d'Eric Strip qui s'appelle Allergic to Love. Why? I'd like to talk to you. I'd like to let you know how and when I follow you. Just what I'm thinking and why when I'm eyeing you. From the corner of my eyes seem to close red shine. God, I'm allergic to love. I see it in the movies on TV. The TV in my room at night. The TV's always on all night. It's alright. Cause I'm alone when I'm not following you along. Watching the waves stall. Watching everything and pour moi, Eric Strip, c'est un peu les Sebado canadiens. Merci. Quoi ? Faut aimer Sebado, hein. Ouais. Genre. Ou ce genre de truc. Smoke you ho, ain't no use in throwing blows. I just wanna smoke you hoes. I just wanna smoke you ho, ain't no use in throwing blows. Ain't no use in throwing blows. I just wanna smoke you ho, ain't no use in throwing blows. I just wanna smoke you ho, ain't no use in throwing blows. I just wanna smoke you hoes. I just wanna smoke you hoes. That music's new. Holla point spray every day, all day to the day that I'm fucking dash. You sweep through the hood with my nigga Kiki in the wood with the booze hanging out to some hood. Doing drive-by, you survive, that's a laugh. 50 niggas standing on the corner watching every motherfucker move you make. Some from a tray, shooting ball on crate. Y'all rocks in his sock, knocks, car, nigga break. Bullet penetrate in a nigga face, not paying. Trying to fuck with something right, don't fight, just blast. Last nigga died when he tried. Pippa B got killed, blood spilled, dunked the body in the field. B.I.G. would've probably gave you one more chance. But not me or my tone, get the phone down 911. And reserve your ambulance, busters bragging. capping lying about who they done put to rest. Prove it to me, do a street sweep, put a hole in a nigga chest. Then we got to wear bulletproof vest. Blood and mess and blood is same. Blood and hands, blood and pants. One shit different when I'm moving south, living for the nigga millimeter, but he broad got pimping. Living on the track with a handful of rocks and a Ziploc Glock on safe. Gotta watch UFO, undercover 5-0, still on parole, can't catch another case. Creeping night, Tommy Wright, no street lights in the hood. Go to war with the world and forget him. Roll up his sleeve, put your dukes up and bleed. Tommy Wright, don't fight, wrong move, rather tap him. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, hoes. I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows. Hopping on the bitches, living in my stitches. This is why I do these funky hoes. If you bitch, you got some manner, bring your shit on, cause blue chest still won't go. Capping on the suckers, killing these busters. Shooting to the ground with my name that I told. Bitches wanna test my motherfucking pimpin', best believe that's a motherfucking lesson, ho. Beating these bitches to the ground, that's my hobby I like to do. Bust ass hoe, got a Glock as a sad, better pull it cause you got no other choice but to shoot. Threaten my fucking life, oh, that's a no-no, you little silly hoe. You one hoe that I know, that I know, that your stupid ass got a vamp, gotta go. Evil signs I do not see, it's just the hatred in my blood. It's just me when I feel the need, I'm popping a motherfucking slug. Bitch, I am the scandalous, I do not play them silly games. Never plan to fight with we for none of these busters in my life. No designers on my mind, it keep me doing the fucking crime. Never like caught slipping, bitch, I bet I keep my fucking neck. Got some animosity, here's my fucking dope key. Get that shit up off your chest, my 20 gauge shred will handle the rest. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, hoes. I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows. I gotta be making a cash, the bigger my stash. I put on my Halloween mask. Time to go trick or treat, fooling them swizzles. We smacking them lemons, lay down in the grass. My whipping, I'm gripping, ain't no time for slipping. Look, pivoting, I'm all about making it cheese. Robber who robbing them bitches for riches and doubling on stopping till I get some keys. Full of that weed, so I can proceed with my plans and taking my financial problems. Hit up my nigga, got one in the zone to real. Some players who down to go robbing. Think that I'm flogging, I'm slipping, get killed by the bullets that fly from the 45 clip. That cocaine is in my brain, got me straight doing things to them whole niggas when I catch them slip. No mercy for suckers, it bust up when I'm on my hustle. I take care of my business up top, regardless whoever that nigga might be. When I take all this cheese, I better get shot. Been clipping the Glock, if it were black tailor for static, I might have to aim on the low. That kicker with killers, dope dealers, real niggas. We squeeze on them triggers, we don't throw no blows. Tommy Wright, creeping at night, ready to take your fucking life. Roll them dice, get a side bit. Tommy been shot, but I ain't that dick. Murder one expert, drink a red rum. Hold my mouth, don't move, cause I talk with a ooze. Slip on my gloves, Tommy gas, no love. Two Glock, Tommy shot two cops on the rooftop. Pistol grippers, leaving your bodies in plastic bags with zippers. Where wrong from, niggas come with pistols. Tommy got a tick in the middle of the street, yelling who's next. I'm gon' buck him, and I'm gon' stuff him. Tommy don't love him, members only fuck phonies. 6 feet to me, ain't deep, can't be seen with a dead dope fiend in the passenger seat. Really don't give a fuck, nina to your nuts. Every day parlay, sundown, sun up. Niggas don't want no peace, so they pack a piece, wait. Murder show at 12, can't be late, fuck scrap. Tommy right capping and dabbing when the damage is done. Do away with the gun on the wrong real business. It'll be OZ-10, one of me in the deep, trick or treat, fuck the police. Use and throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows, I just wanna smoke you, hoes. I just wanna smoke you, ho. Ain't no use in throwing blows. Dig, dig, Memphis niggas ain't scrapping no more. Especially 10 on the mid. Fuck scrapping, we capping. It's on like cap. Biatch. Okay. Wow. C'est bon. Dis donc. C'est Tommy Wright the Third. Ah, c'est vraiment pas ce que je préfère de lui. Quoi? Non, je sais pas ce que tu préfères de lui. Ah, t'aimes pas quand il rappe vite comme ça là? Ouais, c'est trop bien produit. Non, mais alors, oui, mais bon, c'est quand même toujours un peu. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais j'adore ce morceau malgré tout. Ok. Parce qu'il est très émouvant. Et puis, bien que tu dises que ce soit trop bien produit, c'est juste un peu mieux produit. C'est absolument ça reste quand même on the edge. Évidemment, je ne vais pas te contredire. Tu peux me contredire, vas-y. Tout le temps. Contredis-moi. Bah déjà, tu me contredis en passant pas du tout le morceau qu'on avait prévu. Mais non, mais là, c'est pour parler. C'est quoi ce qu'on écoute en fond? C'est l'aube des tyrans. C'est sur cette compile là dont j'ai parlé tout à l'heure où ils mettent des morceaux de En fait, ça, en fait on peut le révéler maintenant, le fil conducteur, c'était des morceaux parfois tirés de compil. Ouais. C'était ça. Mais c'était ça. J'espère que ça a un petit peu réveillé les gens quand même. Bon, moi, c'est ce qui m'inquiète dans cette société, une torpeur. Ouais, c'est clair que toi, t'es quand même quelqu'un qui détorpe. On t'appelle le détorpeur. Le détorpeur, on m'appelle pas comme ça, mais on pourrait. Toi, t'es un mec qui agite les qui secoue les cocotiers. Écoute, moi j'ai la malchance d'habiter dans un département où il y a très peu de cocotiers. Yes. Donc, mais il y a pas mal de secoueurs. Des casseurs de couilles, tu veux dire? Ouais, je sais pas. Ok. Ouais. On avait dit quand même, mais on se quitte dans à peine 6 minutes. Et moi je voulais quand même finir. Déjà, sur on peut faire une émission pendant 18 heures, si tu veux. Non, non. James Ferraro, j'ai un morceau de James Ferraro. Ah bon? On peut le passer. C'est rigolo parce qu'il s'appelle SOS. C'est ça un petit peu la sorte de clin d'œil. Ah, mais c'était ça le thème de l'émission. Oui, c'est un appel au secours en face voilà, de l'émission. C'est ça. Donc, moi j'ai une adresse PayPal qui est pas très très compliquée. C'est André Kegré. Ouais. @nous.fr. Nous, N-O-O-S. H-E-N-D-R-I-K-H-E-G-R-Y. Tout attaché. Et c'est le don minimum, c'est 50 euros. Non, le don minimum, c'est ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Est-ce qu'on peut donner 0? Bah, ça ne sert à rien. Mais on peut le faire. Vous pouvez le faire, ça vous amuse. Je pense même pas que ce soit possible. Mais du coup, t'as des adresses email. PayPal, c'est une société, quand même, c'est une structure sérieuse. Ils vont pas s'amuser à faire des choses pour ne rien non, gagner. Non, mais à prendre en charge, tu vois, des dons de 0€, c'est les petits rigolos. C'est quoi le minimum à PayPal? C'est un centime? Bah, ça doit exister. Merci d'aider Hendrik, parce que en ce moment il va pas très bien, il a pas trop de fric. Enfin, c'est pas. Oui. Vous pouvez venir à son expo le 29 août. Oui, par son expo. Galerie du Marais. Qui va déboîter. Galerie du Marais, c'est dans le Marais toujours. C'est le Marais, ouais. C'est Traro. Et le Marais, c'est un quartier assez hétéroclite. Hétéroclite. Bah oui, c'est que cosmopolite. C'est plus cosmopolite que le 11e. 16e. 16e. 11e, c'est cosmopolite aussi. Ouais, c'est vrai. Pareil, c'est une ville cosmopolite. Donc venez tous à son expo le 29 août. Voilà, c'est rue Caffarelli. J'ai pas besoin de préciser le numéro de rue parce que c'est une rue assez petite. C'est juste derrière la mairie du 3e arrondissement. Et c'est le 29 août, le vernissage. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Est-ce qu'il y aura des choses gratuites? Il y aura tous les copains. Il y aura, comme d'habitude, un ou deux cubis de vin rouge et de vin blanc. Mais c'est mieux d'amener ses propres trucs, quoi. Bah surtout, ça se trouve, ça sera reconfiné. Ah oui, c'est vrai. Donc pour finir, on écoute un morceau de James Ferraro que j'aime plus beaucoup comme artiste. Mais à l'époque, j'aimais. Quelle époque? 2012. Non, c'est un bon artiste, c'est un bon artiste. Alors, c'est un musicien, un artiste? Pour toi, c'est un artiste? C'est un bon musicien. J'ai toujours pas compris ce que pour toi était un artiste, un musicien. C'est quelqu'un qui fait de l'art. Donc en fait, si t'es juste musicien, t'es pas un artiste, et ça commence à me faire chier, putain! Si t'es seulement un musicien, t'es pas un artiste, et ça j'en ai marre. J'étais en train de dire le contraire. Pour moi, les musiciens sont des artistes. Ok, merci. Ah bah ouais. Très bien. Eh ben on écoute James Ferraro, mais on attend que le morceau se finisse. t'as pas bougé. Si, si. Sont en rendez-vous. C'est de la musique ça ou quoi? C'est de la, c'est de la musique ou c'est de la merde? Il y a vraiment un truc réfléchi, pensé ou. C'est juste un assemblage là. Ces mecs ont fumé énormément de weed. Mmh. C'est, les aigus là sont assez. Ouais, bah il n'y a que ça. De hein. toute façon, James Ferraro, il y a zéro basse. Hein. C'est pour ça que j'écoute en fait. Sur l'ordi c'est nickel parce que tu perds rien quoi. J'écoutais ça avant sa musique. T'écoutais ça avant sa musique? J'écoute assez peu sa musique. Ah ouais. Si, il y a un album qui s'appelle Discovery sur je sais plus quel label américain. C'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est un truc de. C'est bien, ouais. À l'époque. C'est le moment de se dire au revoir. Ben, j'ai passé deux autres morceaux très courts. Je vais fumer une clope. Je vais pisser. Ok, ça marche. A plus. Merci à tous.